Je suis. I am soldier. Je suis best boy. Je suis gangster. Je suis meilleur. I am soldier. Je suis best boy. Je suis gangster. Je suis meilleur. Soldat, tu terre-terre, j'suis gangster à temps plein. La vodka soigne mon faussaire, on t'éjecte sur un tremplin. À 300 sur la route du crime, on ralentit pas, on se fait flasher. Ici y'a pas de victimes, ça pique grave pour du Versace. Vendre la brale quand sachet, c'est tout ce qu'on a su faire. Le paradis est trop loin, on descend tout droit en enfer. Des liens dans chaque poche, bloqué pour nos embrouilles. Deux litres de siroc, toi tu bois de l'eau, tu rouilles. Jusqu'à la mort on baisse tout. Toi ici t'es personne, nous on marche en leur, toi la gadoue. Personne m'impressionne, toute la street me suit prêt. Le jour de gloire est arrivé, 2014 m'appartient. Que du sale, ils sont pas prêts. I am soldiers. Je suis best boy. Je suis gangster. Je suis meilleur. I am soldiers. Je suis best boy. Je suis gangster. Je suis meilleur. On vous best boy. Vous êtes pas prêts. 76 boy. On est armé. On sera toujours déter. Y'a pas le temps de faire du nush. J'suis bouillant comme le soleil. J'attire toutes les meufs. Ça gif, ça maille, ça baisse. Dans cette 6 on est les best. Le calibre dans la veste. La police on la déteste. Entre le bien et le mal, nous on n'a jamais hésité. Pour faire un max de maille, c'est tous les jours qu'on est OP. Parti de rien, moi je veux tout. On n'est pas une personne. On casse les reins, on est partout. On veut des grosses sommes. Bang bang dans la rangée. Les rappeurs rentrés par piston. Casse belle dans le rap français. On passe à l'action. I am soldiers. Je suis best boy. Je suis gangster. Je suis meilleur. I am soldiers. Je suis best boy. Je suis gangster. Je suis meilleur. Rah.